Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1543, le chanoine Nicolas Copernic publiait « Des révolutions des sphères célestes », ouvrage dans lequel il écartait la Terre du centre du monde au profit du Soleil. Acte fondateur d'une révolution scientifique qui mit un siècle à s'accomplir pleinement. Il faudra en effet l'intervention de plusieurs personnages au parcours et au raisonnement variés pour que s'impose cette vérité fondamentale et renversante, en physique comme en métaphysique, la Terre n'était pas le centre du monde. En 1998, pour son émission Le Temps des Sciences, Michel Cazenave invitait plusieurs historiens à retracer le rôle de Copernic, de Tycho Brahe, de Kepler, de Galilée et de Giordano Bruno dans cette histoire à rebondissements. La querelle de l'héliocentrisme, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 octobre 1998. Le Temps des Sciences, la querelle de l'héliocentrisme, une émission de Michel Cazenave, réalisée par Hélène Daude. Pendant plus de 2000 ans, on a pensé que la Terre était le centre du monde, que le Soleil et les planètes tournaient autour d'elle dans une ronde harmonieuse. Cela, malgré des tentatives de précurseurs, tel Marcianus Capella, auteur latin de la seconde moitié du 5e siècle de notre ère. Le 16e siècle est celui des propositions révolutionnaires de Copernic, qui pose l'hypothèse d'un Soleil central autour duquel tournerait toute les planètes, y compris notre Terre. Une conception qui s'imposera difficilement et dans les développements de laquelle se détachent les figures de Tycho Brahe, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galilée. Une description des conceptions de l'Antiquité, André Leboeufle. Dans l'Antiquité, la conception qui dominait était assez séduisante par elle-même, bien que fausse, mais elle avait une certaine logique interne. Il y avait donc au centre la Terre, l'élément le plus lourd, au-dessus l'air, jusqu'à la Lune, car l'orbite lunaire constituait une sorte de frontière entre ce qu'on appelait l'air et l'éther. L'éther qui était plus subtil, fait d'un feu de nature divine. Donc, au-delà de l'orbite lunaire, vous aviez les planètes, établies selon un ordre harmonieux et même musical selon les pythagoriciens. Et puis, alors, la sphère des fixes, c'est-à-dire que les étoiles étaient fixées sur une voûte solide, toutes à la même distance de la Terre. Le monde est constitué de quatre éléments dont la totalité se réunit en forme de sphère. Il isole la Terre immobile en son centre et dans sa partie inférieure, et il l'entoure de sa course circulaire dans les mouvements éternels du ciel. Autour de l'élément situé en leur milieu, appelé centre, les physiciens enseignent qu'il y a d'abord un flux d'eau, puis d'air, en troisième lieu de feu, et qu'ensuite, sous l'effet d'une cinquième combinaison de substances corporelles, volent en cercle des lueurs éthérées dans la zone où gravitent les orbites inclinées du Soleil, de la Lune, des planètes et du zodiaque. La sérénité de cet élément naturel lui fait occuper aussi l'orbite extérieure qui enveloppe les autres, et parce qu'aucun astre ne l'éclaire, elle est appelée anastros, ou sans astre. Marcianus Capella, Astronomie. Mais alors, le problème qui se posait, c'était les mouvements des planètes. Parce que voyez-vous, si on regarde dans le ciel le déplacement des planètes de jour en jour, eh bien, il est assez déconcertant pour des gens qui considéraient que le monde céleste était parfait. Donc, c'est le cercle qui est la forme géométrique parfaite. Or, si on observe le déplacement des planètes, il est déconcertant, ce sont comme des spirales, la planète s'avance dans un sens, en fait, d'ouest en est, et puis se met à ralentir, être stationnaire, repartir dans un autre sens, et puis de nouveau faire une station et revenir à la première direction. Alors, c'était vraiment déconcertant. Alors, il fallait donc trouver un compromis entre cet idéal du cercle et puis les apparences, sauver les apparences, disait-on. Alors, on avait imaginé toute une série de systèmes, je passe un peu vite, pour arriver à celui de Ptolémée, qui a été comme un dogme apparemment intangible pendant des siècles, c'est-à-dire que l'on imaginait que la planète se déplaçait sur un petit cercle, dont le centre lui-même se déplaçait sur un cercle porteur, cercle déférent. Donc il y avait l'épicycle où se déplaçait la planète, et puis le centre de cet épicycle se déplaçait lui-même sur un cercle déférent, excentrique par rapport à la Terre, toujours pour justifier les différences d'éclat, donc de distance des planètes par rapport à la Terre. Voilà quel était en gros le système de Ptolémée. Avant d'arriver à Copernic, il y a eu de nombreuses hypothèses avancées déjà au 5e siècle avant notre ère. Le philosophe grec Philolaos, lui, avait imaginé un feu central autour duquel tournaient tous les astres, y compris la Terre. Puis, au siècle suivant, Héraclide a imaginé le système qu'on a appelé semi-héliocentrique. Donc, c'était de faire tourner les planètes Mercure et Vénus autour du Soleil, et le Soleil et les autres planètes continuaient à tourner autour de la Terre. Et puis, un siècle après, Aristarque de Samos, lui, propose le système héliocentrique intégral. Mais c'était vraiment prématuré, ça ne paraissait pas justifié, parce qu'il y a eu toute une série d'objections. Chaque fois que l'on proposait un déplacement de la Terre, on disait, mais si la Terre se déplace, eh bien, on ne voit pas les étoiles de la même façon quand elle est à l'extrémité d'un diamètre de son orbite et à l'autre. Il doit y avoir un phénomène de parallaxe. Et en effet, c'est parfaitement vrai, il y a un phénomène de parallaxe, mais il était tellement faible qu'avec les instruments de l'époque, on ne pouvait pas le constater, car même pour les étoiles les plus proches, il est inférieur à une seconde d'arc. Alors, Hipparque, est pourtant un grand astronome de l'Antiquité, ayant constaté qu'il n'y avait pas, selon lui, de parallaxe, donc la Terre était immobile au centre du monde. Et Ptolémée lui-même aussi disait, si la Terre se déplaçait, les objets qu'on lancerait en l'air, par la force centrifuge, resteraient à la traîne. Donc, vous voyez, ce qui paraissait le plus logique, c'était de laisser la Terre immobile au centre du monde. Il convient maintenant d'examiner le cours des planètes, et en particulier de celles qui, dans la révolution du ciel, gravitent autour du Soleil. De fait, Mercure, qui décrit son orbite en un an environ, court, entraîné dans un mouvement d'oscillation, à travers 8 degrés de latitude. Quant à Vénus, que d'autres nomment Phosphoros, elle a été étudiée à fond par Pythagore de Samos, qui l'a révélée avec ses théories aux habitants de la Terre. Et l'on enseigne qu'elle accomplit sa révolution en un an approximativement. De fait, elle met 300 jours et quelques, mais, semblable à la Lune, elle vagabonde sur 12 degrés de latitude, s'écarte de l'orbite solaire de 50 degrés, bien qu'elle puisse ne s'en éloigner de plus de 46 degrés. Placée sur son orbite, elle gravite autour du Soleil avec une infinie variété. Tantôt elle le dépasse dans sa course, tantôt elle le suit de près sans le rejoindre, tantôt elle se déplace au-dessus, tantôt au-dessous de lui, du fait qu'elle ne recommence pas sa course tous les ans. Marcianus Capella, astronomie. Marcianus Capella, dont l'œuvre est méconnue aujourd'hui, avait pourtant fait œuvre de pionnier en matière d'hypothèses sur l'héliocentrisme. Une partie de son œuvre a été éditée récemment par André Leboeuf. Nous le savons de nos jours, elle se trouve entre le Soleil et la Terre. Et alors on ne les voit dans le ciel que, ou bien un peu après le coucher du Soleil, ou bien un peu avant son lever, parce qu'elle ne s'éloigne pas énormément du Soleil lui-même. Vénus s'en écarte d'environ 47 degrés au maximum, et Mercure encore moins, au maximum 28 degrés. Elles oscillent de part et d'autre du Soleil. Déjà dans l'Antiquité, Platon les considérait comme des sortes de satellites du Soleil, et considérait qu'elles étaient isodromes, c'est-à-dire qu'elles avaient une rotation qui était à peu près de la même durée que celle de l'année solaire. Donc elles présentaient un caractère particulier, voilà pourquoi il était plus facile de les faire tourner autour du Soleil. Tandis que les trois autres planètes connues dans l'Antiquité, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne, eh bien englobent à la fois la Terre et le Soleil dans leurs orbites. Voilà qui justifiait ce système semi-héliocentrique. Survient ce que l'on nomme couramment le tournant copernicien. Copernic, chanoine et astronome polonais, élabore une nouvelle théorie au cours du XVIe siècle pour tenter de pallier les insuffisances du système de Ptolémée. Michel Lerner. Il est difficile, comme pour d'autres révolutions scientifiques, entre guillemets, de savoir ce qui s'est passé réellement au début du XVIe siècle, dans la mesure où la science astronomique n'était pas particulièrement en état de crise, en ce qui concernait du moins l'explication des mouvements planétaires. Il y avait un problème au niveau de l'explication des mouvements stellaires, dû en particulier à la difficulté d'intégrer théoriquement un certain nombre d'observations qui paraissaient ne plus entrer dans les schémas traditionnels. Ce qui explique qu'il fallut multiplier le nombre de sphères pour rendre compte de mouvements stellaires aberrants. Mais en ce qui concerne le système traditionnel de l'explication des mouvements planétaires, il n'y avait aucune situation de crise. Le système ptoléméen a été parfaitement adapté pour intégrer toute observation nouvelle. Il suffisait d'être quelque peu expert en cinématique pour régler les questions. Donc, il reste, croyons-nous, toujours une énigme quant à la raison fondamentale qui a amené Copernic un jour à penser que on ne pouvait plus rester dans cette situation. La représentation traditionnelle présentait tout de même un certain nombre d'anomalies. L'une des principales anomalies étant ce qu'on appelait le fameux premier mobile. C'est-à-dire que dans l'hypothèse d'une Terre immobile située au centre du monde, on est obligé, pour rendre compte des apparences du mouvement diurne, de faire entraîner toute la machine céleste par une sphère supérieure, la sphère dite du premier mobile, qui entraîne, pour un observateur censément immobile au centre du monde, tous les astres dans leur mouvement apparent du lever au coucher. Et il y a là, effectivement, une difficulté, car la connaissance des mouvements propres des planètes, elle, nous indique que c'est dans le sens contraire à ce mouvement quotidien qu'elle se déplace, de sorte que l'on a dans la machine du ciel une espèce d'anomalie, en ce sens qu'on a un mouvement violent qui entraîne toute la machine chaque jour, en 24 heures autour de la Terre, alors que les planètes elles-mêmes se déplacent, selon leur évolution sidérale, dans le sens inverse. Et cette difficulté ne semble pas avoir ému particulièrement ni les philosophes, ni les astronomes, depuis Ptolémée, pendant tout le Moyen-Âge. Et c'est probablement là l'une des raisons qui a amené Copernic à se demander si, d'abord, il ne serait pas plus simple, plutôt que de faire tourner cette immense sphère en 24 heures autour du monde à une vitesse insurpassable, il ne serait pas déjà plus simple de faire tourner la Terre sur elle-même en 24 heures. Mais en même temps, il est allé plus loin, il a fait un pas de plus. Il a pensé que pour rendre compte des apparences d'une manière plus satisfaisante, il fallait aussi que la Terre soit délogée du centre du monde et qu'elle se mette à tourner avec les autres planètes autour du Soleil. Depuis le fameux Big Bang, ça tourne les soleils et les nuits. À la façon d'un boomerang, ça tourne, lancé par Dieu sait qui. Quel est le metteur en scène qui tourne cet opéra mundi sur la musique des sphères qui tourne. Ça tourne de l'atome à l'étoile. Mis à part l'humanité, ça tourne, ça tourne, ça tourne au quart de voile. Et de ce point de vue-là, justement, est-ce qu'on peut considérer que lorsque Copernic introduit sa révolution, son système héliocentrique, il l'avait lu Marcianus Capella, qui avait été comme une sorte d'introduction, si on peut dire, oui, à aller plus loin. Il le cite textuellement, il rend hommage à son prédécesseur, Marcianus Capella, et à lui seul, n'est-ce pas? Alors que d'autres écrivains anciens paraissaient être au courant du système d'Héraclide Pontique, mais n'avaient pas bien compris son caractère original. Par exemple, il y avait à l'époque d'Auguste, Vitruve, qui, dans un traité d'architecture, avait inclus la construction de cadrans solaires, et à propos de cadrans solaires, faisait un petit cours d'astronomie, eh bien, lui aussi semblait connaître le système d'Héraclide, et puis à côté de ça, disait que les planètes tournaient autour de la Terre comme des fourmis sur une roue de potier. Donc là encore, il revenait à un système entièrement géocentrique, alors qu'il avait conscience de particularités pour Mercure et Vénus. Il n'avait pas compris véritablement le caractère original. Au milieu de tout trône le soleil. Dans ce temple splendide, pourrait-on placer ce luminaire à meilleur endroit que là où il peut éclairer tout à la fois? C'est à juste titre qu'on l'a appelé la lampe, le monarque, le recteur de l'univers. Hermès Trismégiste le nomme le dieu visible. Le soleil est ainsi comme sur un trône royal, gouvernant ses enfants, les planètes qui tournent autour de lui. La Terre, elle, a la Lune à son service. Comme le dit Aristote dans son De Animalibus, la Lune a la plus étroite relation avec la Terre. En même temps, la Terre, fécondée par le Soleil, prépare en son sein une annuelle renaissance. Ainsi trouvons-nous, sous-tendant cet ordonnancement, une admirable symétrie dans l'univers et un rapport visible d'harmonie dans le mouvement et la magnitude des orbites, tel qu'on ne saurait en découvrir de quelque autre manière. Car là, nous pouvons observer pourquoi la progression et la rétrogression apparaissent plus grandes pour Jupiter que pour Saturne, et moins pour Mars, mais encore plus grandes pour Vénus que pour Mercure. Et pourquoi cette oscillation apparaît plus souvent chez Saturne que chez Jupiter, mais moins fréquemment chez Mars et Vénus que chez Mercure. Tous ces phénomènes procèdent de la même cause, à savoir le mouvement de la Terre. Copernic, De Revolutionibus. Que peut-il se passer pour que tout à coup, on soit capable de remettre en question et le sens commun, et les écritures, et la tradition. Ça fait beaucoup en même temps. Oui, cela suppose certainement de la part de Copernic un coup de force intellectuel, un courage peu commun. Alors, pour chercher en quelque sorte des cautions ou des appuis à cette hypothèse audacieuse qu'il ne s'est pas contenté simplement de formuler, mais, et c'est ce qui fait la différence entre Copernic et les éventuels prédécesseurs qu'il a trouvés dans l'Antiquité, il a mis en œuvre un traité qui élaborerait cette nouvelle astronomie. Eh bien, pour tenter de faire, si j'ose dire, passer cette audace, il a d'abord invoqué le fait qu'il n'était pas le premier à avoir eu cette idée, et que, deuxièmement, effectivement, on se trouvait devant quelque chose qui était un paradoxe au sens fort du terme, c'est-à-dire quelque chose qui allait contre les apparences sensibles, et même contre l'écriture. Eh bien, il n'a pas du tout caché ses difficultés, et dans un texte remarquable qui est mis en préface de son De Revolutionibus, à savoir la lettre au pape Paul III, il a mis les points sur les i, et en déclarant qu'il faisait œuvre de philosophe ou de mathématicien, qu'il ne s'adressait qu'aux gens capables de le comprendre, qu'il savait bien qu'il y aurait des gens qui aboieraient contre lui, mais qu'il estimait qu'il n'était pas décent de faire intervenir dans cette question l'écriture, que cela ne le concernait pas. Autre problème, Alain Segond, c'est que justement par rapport à ce que propose Copernic, on sait très bien que les interprétations ensuite ont beaucoup divergé, certains disant ce n'était qu'une hypothèse qu'il proposait, d'autres disant, à travers quand même le travail qu'il a fait, à l'évidence il y avait une croyance forte chez lui que le système qu'il proposait était le bon. Il suffit de regarder le livre, le De Revolutionibus, l'édition de 1543, pour voir comment s'est faite cette opération. La considération hypothétique a été introduite subrepticement à l'insu de Copernic par un théologien luthérien, Osiander, qui était à l'époque tout puissant à Nuremberg, ville dans laquelle s'imprimait le livre de Copernic. Après le départ de Rheticus, l'unique disciple de Copernic qui avait été chargé de surveiller cette impression, Osiander avait repris ça à son compte. Et il avait naturellement reconnu tout de suite les ferments de difficultés qui ne manqueraient pas de s'élever. Un livre catholique dédié au pape dans une ville purement luthérienne et une préface où on disait ouvertement que l'écriture sainte n'avait rien à faire là-dedans. Donc tout à fait contraire aux idées des luthériens, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc il a cru bien faire en mettant en préface une petite préface qui fait deux pages, l'ad lectorem de hypothesibus huius operis, au lecteur, à propos des hypothèses de cet ouvrage. Et c'est là qu'est développée la théorie que l'œuvre de Copernic n'est qu'une hypothèse. Il suffit de tourner les trois pages plus loin et d'aller à la préface de la dédicace au pape pour voir que, tout à fait au contraire, Copernic déclare avoir trouvé le véritable ordre du monde et l'unique explication possible. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction absolument évidente qui n'a pas trompé grand monde à l'époque, sauf les théologiens, évidemment, qui étaient très heureux d'avoir toujours cette échappatoire, mais les astronomes, qui étaient compétents, c'est-à-dire, je pense, des gens comme Kepler, des gens comme Ursus, des gens comme Rotman, etc., ont tout de suite vu que cette préface n'était pas de Copernic. André Leboeufle. Luther parlait de ce fou de Copernic, Melanchthon était aussi hostile, et les protestants s'appuyaient sur la Bible. Et alors le grand argument, c'était que Josué avait fait arrêter le soleil, donc ça prouvait bien, disait-on, que le soleil tournait autour de la terre. Et puis, même dans une autre famille spirituelle, les humanistes, qui étaient pourtant libres penseurs, considéraient que c'était justement l'homme qui était l'être supérieur dans la création, alors qu'au Moyen-Âge, on était plutôt au premier plan Dieu premier servi, disait Jeanne d'Arc. Les humanistes mettent l'homme au premier plan de la création, donc l'homme, être supérieur, ne peut que se trouver au centre du monde. Vous voyez, toute une série de familles spirituelles, pourtant très différentes pour d'autres points de vue, se rejoignaient pour critiquer le système de Copernic. Les principes de Copernic ne peuvent pas être faux, puisque l'on tire d'eux une explication constante et inconnue des anciens d'une grande quantité de phénomènes, dans la mesure où cette explication vient de ces principes. C'est ce qu'a vu le très heureux Tycho Brahe, astronome au-dessus de tout éloge, qui, bien qu'il soit en complet désaccord avec Copernic au sujet du lieu de la Terre, a cependant retenu de Copernic ce qui nous permet d'expliquer des choses jusqu'alors inconnues, à savoir que le Soleil est le centre des cinq planètes. Pourquoi Copernic a-t-il placé le Soleil au centre du monde et mis la Terre en mouvement autour de lui ? Passons de l'astronomie à la physique ou cosmographie. Eh bien, non seulement les hypothèses de Copernic ne pèchent pas contre la nature des choses, mais bien plutôt, elles la confortent. La nature aime la simplicité, elle aime l'unité. En elle, il n'y a jamais rien d'inutile ou de superflu. Au contraire, souvent elle destine une chose unique à produire plusieurs effets. Or, dans les hypothèses usuelles, il n'y a aucune limite à l'invention d'orbes nouveaux. Au contraire, chez Copernic, un grand nombre de mouvements découle d'un tout petit nombre d'orbes. Et donc, cet homme a non seulement libéré la nature du fardeau pesant et inutile de tant d'orbes immenses, mais il nous a ouvert de surcroît un trésor inépuisable de considérations absolument divines concernant le merveilleux ajustement du monde entier et de tous les corps. Johannes Kepler, Le secret du monde. Au départ, dans le milieu astronomique, comment est-ce que c'était reçu ? On a l'impression quand même que, je dirais, l'œuvre de Copernic est restée dans un désert pendant un certain temps. Oui, ben ça c'est un fait, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un ouvrage d'une nouveauté extraordinaire. Entre Ptolémée et lui, il n'y a rien. Aucun autre ouvrage aussi important sur l'astronomie n'a été publié. Donc c'est quand même un ouvrage qui reprend une trame interrompue depuis 14 siècles. Donc c'est pas étonnant qu'il n'ait pas trouvé beaucoup de lecteurs. C'est quand même un traité de 400 pages, bourré de chiffres, de diagrammes, de tables, etc., qui est quand même assez mal présenté, inachevé à beaucoup d'égards, puisque on le sait, puisque nous avons le manuscrit. Donc Reticus et Copernic ont fait ce qu'ils pouvaient pour le mettre au point, si vous voulez, mais aujourd'hui, nous qui sommes derrière et qui passons derrière, nous voyons des traces d'inachèvement, il y en a partout. Il y a des fautes énormes, des fautes de calcul, des fautes de chiffres, des fautes de référence, des figures qui ne sont pas pertinentes, enfin c'est prodigieux la quantité de choses. Donc si vous voulez, c'était un ouvrage très très difficile à lire à l'époque. Et à mon avis, sur le marché européen, il y avait peut-être 50 ou 60 lecteurs possibles, et puis c'est tout. Les autres n'y comprenaient absolument rien. Quand même jamais oublier ça. Oui, Michel. Oui, je pense que pour la question de la diffusion du livre de Copernic, Alain Segond a prononcé tout à l'heure le nom de Reticus, c'est un nom très important. Voilà d'abord le premier copernicien. C'est le seul disciple que Copernic ait eu de son vivant. Voilà un jeune homme qui arrive en Prusse vers 1538-39, alors que Copernic a pas loin de 70 ans, est fatigué. Probablement découragé, peut-être, si Reticus n'était pas arrivé, Copernic n'aurait-il pas achevé son ouvrage et nous n'aurions pas eu la publication du livre. En 2 ans, Reticus redonne de l'énergie et du souffle à ce monsieur âgé, et lui-même, en 6 mois, écrit une espèce d'abstract, un résumé du Directionibus, intitulé « Narratio Prima, premier rapport », dans lequel il présente de façon synthétique, remarquablement pédagogique, le nouveau système. Et ce texte va connaître un certain succès de librairie plus grand que le Directionibus lui-même, puisqu'une première édition de 1540 publiée sous le couvert de l'anonymat va être rapidement épuisée. Dès 1541, cette fois-ci sous son nom, Reticus publie le texte. Lorsque à Bâle, on publiera en 1566 la deuxième édition du Directionibus, les éditeurs estimeront qu'il convient d'y adjoindre la Narratio Prima. Donc, on peut dire d'une certaine manière que de même que l'Almageste de Ptolémée, traité technique extrêmement compliqué n'a pu être assimilé au Moyen-Âge qu'à travers des exposés des traités simplifiés, le traité de la sphère de Sacrobosco et surtout les théories des planètes. De même, d'une certaine façon, il est vrai, sans l'appareil de paramètres, des figures, etc., la narratio prima a joué ce rôle de diffusion des idées de Copernic, qui était un traité largement inassimilable par des astronomes qui ne seraient pas des techniciens. On voit que d'une certaine manière, je dirais, par capillarité, par influence, par transmission, les idées coperniciennes se répandent, encore qu'elles se répandent lentement. Et comme on est obligé d'aller vite quand même, évidemment, je voudrais arriver au grand couple d'astronomes de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, c'est-à-dire Tycho Brahe et Kepler. Et là, nous avons quelque chose d'absolument je pense, passionnant, puisqu'on voit l'un qui essaie de faire une espèce de compromis entre la nouveauté copernicienne et en même temps toute la tradition, c'est-à-dire Tycho Brahe, et l'autre qui, au contraire, lui, reprend les travaux de Copernic et les amène, si l'on peut dire, jusqu'au bout, parce qu'en fait, ce n'est pas le bout, il faudra que ça continue derrière, mais qui, donc, en essaie de tirer absolument toutes les conséquences. Et j'aimerais justement qu'on commence par Tycho Brahe, parce que justement, là, on voit bien cette espèce, je dirais, de tentative désespérée de garder la tradition tout en intégrant du système copernicien, c'est-à-dire cette sorte de système dans lequel à la fois la Terre est au centre de l'univers, et puis le Soleil tourne autour d'elle, et puis les autres planètes tournent autour de la Terre, ce qui évidemment finit par faire un système un peu compliqué. D'abord, il faut quand même, avant d'en venir à Tycho Brahe, il faut quand même rappeler un autre grand protagoniste de la révolution héliocentrique, c'est quand même Reinhold, qui donc dans ses tables pruténiques qui paraissent en 1551, alors qui compte énormément, à recalculer tous les paramètres coperniciens, sans croire à Copernic, hein, je précise, il n'y croyait pas. Il a tout recalculé et il a publié des tables astronomiques qui sont les meilleures qui vont s'établir dans le monde des astronomes, environ de 1550 jusqu'à 1610 à peu près, et qui donc établissent aux yeux des astronomes que Copernic, c'est quand même quelqu'un de sérieux. On ne peut pas négliger ce qu'il y a dans le livre de Copernic. La mise en place du copernicianisme dans le milieu scientifique se fait par les tables astronomiques. Évidemment, est un des premiers qui ont bénéficié de ce travail, et en même temps, il en a tout de suite, par un coup du hasard extraordinaire, en 1563, il a pu en éprouver malgré tout les limites. C'est-à-dire qu'en 1563, il a assisté, alors donc il n'avait que 17 ans à l'époque, il était en train de faire ses études en Allemagne, à Leipzig, et à l'insu de son pédagogue, il observait chaque nuit le ciel. Donc vous pouvez imaginer dans quel état il suivait les cours le lendemain matin. Donc à l'insu de son pédagogue, il est monté sur sa petite tabatière et puis il regardait chaque nuit le ciel. Et on avait annoncé pour 1563 une grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Et il n'a pas eu de peine, enfin c'est très très simple à faire, il n'a pas eu de peine à observer que Saturne était en avance de 31 jours à l'endroit où était supposément destinée à se faire la grande conjonction, puis que rien ne s'est produit parce que malheureusement Jupiter n'est pas arrivé à cet endroit-là. Donc si vous voulez, à 17 ans, il avait la preuve que la plupart des tables astronomiques étaient radicalement fausses. C'est donc ça son premier travail. Il se trouve que les tables pruténiciennes sont beaucoup moins fausses. Il y a une erreur d'à peu près 6 jours dans l'étape pruténicienne à cet endroit. Donc pour lui, si vous voulez, ça mettait en évidence que Copernic, c'était une chose très très sérieuse. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce qui fait qu'il a cessé pratiquement d'étudier les Stadus, tous ces gens-là. Il s'est branché sur Reinhold. Et il a commencé le travail sur Copernic. Évidemment, il n'a pas traîné longtemps pour voir que dans Copernic, il y a ce que nous avons mentionné tout à l'heure, une masse prodigieuse d'erreurs et de fautes. Donc il s'est aperçu, si vous voulez, qu'avant de juger du fond, Il fallait d'abord examiner les arguments qui étaient apportés. Et les arguments qui étaient apportés, ben, la seule façon d'en apporter, c'était d'examiner le ciel, c'était de l'observer impitoyablement. Et c'est quand même ça qui est à l'origine du programme ticonien. C'est-à-dire, c'est l'idée que pour pouvoir juger une fois pour toutes de ce qu'il en est de Copernic, il faut avoir un ensemble de données astronomiques indubitables. Or, ce n'était pas le cas. Copernic n'a jamais observé de sa vie. Il a fait une trentaine d'observations au hasard, par-ci, par-là. Aucun de ses contemporains pratiquement n'observait, aucun n'avait d'observatoire, aucun n'avait de machine développée, aucun n'avait de méthode d'observation, aucun n'avait une connaissance vraiment réelle de l'observation. C'est ça que Tycho Brahe va faire. En l'espace de 30 ans à peu près, en gros de 1563 jusqu'à 1597, il va mettre sur pied une méthode d'observation, il va perfectionner les instruments, il va créer le premier observatoire du monde, il n'y a aucune espèce de doute là-dessus. Il va développer les instruments, il va les corriger, les améliorer, les amender, et puis il va développer une méthode d'observation. Et c'est sur cette base-là qu'il va essayer de juger le système de Copernic. Alors évidemment, le système de Copernic, là, il est KO instantanément, parce que comme je vous le dis, il est entièrement tributaire de ce qu'il précède, ou bien d'observations très très médiocres. Donc il n'est pas très difficile de le prendre en flagrant délit d'erreur. Nocturne, Saturne, blêmit au cœur de son anneau. Et rouge, Mars bouge, un œil à la fenêtre d'en haut. Des hommes qu'on nomme savants âmes. Observe et surveille toutes ces merveilles. Deuxième chose, c'est qu'il a cru trouver dans cette solution extraordinaire, donc d'une Terre fixe au milieu du monde, d'un Soleil qui tournait autour de la Terre et des planètes qui tournent autour du Soleil, il a cru trouver une espèce de conciliation entre les deux systèmes. On tirait tous les avantages pour les physiciens, on leur expliquait que la Terre était toujours stable au centre du monde, et les théologiens étaient satisfaits également. Et pour les astronomes, on leur expliquait qu'on gagnait tous les avantages de Copernic, puisque les mouvements étaient centrés sur le Soleil. Donc on pouvait garder l'essentiel de Copernic, l'essentiel de la physique ancienne. Tout le monde était content, semblait-il. Bon, il s'avère que ça n'a pas marché comme ça, mais c'était ça le sens de son compromis. Amis lecteurs, salut. Qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce qui a amené Dieu à créer et selon quel plan ? D'où Dieu a-t-il tiré les nombres ? Quelles règles gouvernent une masse aussi énorme ? Pourquoi Dieu a-t-il créé 6 circuits ? Pourquoi y a-t-il ces espaces entre chaque orbe ? Pourquoi Jupiter et Mars, qui ne sont pas dans les deux premiers orbes, sont-ils séparés par un espace aussi vaste ? Eh bien, voilà tout ce que Pythagore t'enseigne ici au moyen de ces 5 figures. Il nous a montré par son exemple que nous pouvons voir renaître, après 2000 ans d'erreur, pourvu qu'il y ait un Copernic, ce titre de meilleur observateur du monde. Mais toi, garde-toi de considérer les fruits de la Terre, après leur découverte, comme moins bons que des glands. Johannes Kepler, Le secret du monde. Vous disiez à la seconde, Tycho Brahe, observateur, effectivement, on sait qu'il y a une masse d'observations telles que c'est à partir de cela, d'ailleurs, que Kepler lui-même a commencé à travailler. Et donc, à partir du moment où nous sommes à Prague avec Tycho Brahe, forcément, on est obligé de parler de Kepler, puisque Kepler lui-même vient, d'ailleurs, à la demande de Tycho Brahe, vient à Prague, va travailler auprès de Tycho, mais en même temps va affirmer une originalité, puisque lui ne va plus essayer de faire de compromis, clairement, dès son premier ouvrage, Le secret du monde, clairement, il s'affirme copernicien, tout de suite. Kepler n'a jamais été autre chose que copernicien. Le premier jour où il a suivi un cours d'astronomie, il a eu la chance de rencontrer M. Michel Meslin, qui était professeur de mathématiques à l'université de Tübingen, et qui l'a immédiatement introduit au système copernicien comme étant le vrai système. Donc pour lui, il n'a jamais eu à passer d'un système à l'autre, ni à revenir en arrière ou en avant. le système copernicien était le système. Donc le seul travail qu'il pouvait se proposer, c'est comment trouver une preuve en faveur du système copernicien. Et c'est tout ce qu'il va chercher toute sa vie, trouver des preuves de la validité du système copernicien et des preuves qui ne s'appliquent que au système copernicien. Mais alors, par rapport à ce que vous dites, à la seconde, bon, d'une part, Kepler, effectivement, s'appuie sur une masse d'observations absolument étonnante, et on voit très bien qu'en même temps, pour valider, en quelque sorte, le système copernicien, cela va se faire en plusieurs étapes. La première grande étape, je pense, c'est le Mysterium Cosmographicum, le secret du monde, dans lequel il se réfère encore, finalement, à la théorie du Timée de Platon, les cinq polyèdres réguliers, qui va être une sorte de tentative avorté, mais à laquelle en même temps il ne renoncera jamais, tout à fait au long de sa vie, pour donner effectivement une assise au système copernicien. Parce que, disons, ce qu'il va trouver dans le Mysterium Cosmographicum, comme il le dira en 1621 dans la préface de la seconde édition, c'est comme un puits d'où il a tiré tout le reste de son œuvre. Et ce qui est au fond de ce puits, c'est la théorie des cinq polyèdres, qui est une tentative d'explication des distances des planètes. Et comme il ne peut y avoir que dans le système de Copernic qu'on a employé cinq polyèdres et que, par le plus grand des hasards, disons, les orbes inscrits et exinscrits correspondent plus ou moins, quand même avec une approximation qui est quand même pas mal, avec ce que l'on croyait savoir des dimensions de l'univers, pour lui, il pense qu'il y a une voie certaine de validation définitive du système de Copernic. Pour en venir à mon sujet, éprouver les hypothèses de Copernic sur un monde nouveau, au moyen d'un argument nouveau, je reprendrai la chose depuis le commencement, comme on dit, aussi brièvement que possible. On trouve l'image du Dieu intrine dans la surface sphérique, à savoir l'image du Père dans le centre, celle du Fils dans la surface et celle de l'Esprit dans l'uniformité de relation entre le point central et la circonférence. Car les propriétés que le cousin attribue au cercle et que d'autres pourraient attribuer au globe, je les attribue quant à moi à la seule surface sphérique. Mais pourquoi enfin Dieu s'est-il donné comme but dans la création du monde de distinguer le courbe et le droit et d'établir la noblesse du courbe? Oui, pourquoi? Sinon, parce qu'il était absolument nécessaire que le Créateur souverainement parfait réalisât l'œuvre la plus belle. En effet, il n'est pas permis, et il ne l'a jamais été, comme le dit Cicéron d'après le Timée de Platon dans son livre « De l'univers », que le meilleur des êtres ne produise pas la plus belle des œuvres. Johannes Kepler, Le secret du monde. Si on prend, je dirais, le travail proprement astronomique de Kepler, on voit très bien comment, justement, en travaillant sur toutes les données amassées par Tycho Brahe, très vite, en fin de compte, il se heurte à un problème extrêmement particulier, qui est celui de l'irrégularité, si l'on peut dire, de la course de Mars autour de la Terre. Et on a l'impression que c'est à partir de là, et avec les méthodes qui sont les siennes, justement, à la fois l'observation très précise et en même temps l'appareillage mathématique, qu'il va mettre sur pied ce qui va devenir les lois de Kepler, et qui sont en quelque sorte l'acte de fondation de l'astronomie moderne. Bien sûr. D'une part, c'est-à-dire en se heurtant à un résidu de 2 secondes dans le mouvement de Mars, ce qui, aux yeux de Copernic, aurait paru un succès extraordinaire, arriver à approximer la course d'une planète à 2 secondes. Pour Copernic, il disait à Reticus, son disciple, il lui disait que si l'astronomie un jour parvenait à localiser les planètes à 10 secondes dans le ciel, ça serait très bien. Kepler, lui, faisant une théorie de Mars, s'aperçoit qu'il y a en gros 2 secondes qui lui échappent à peu près partout. Il considère donc que sa théorie est radicalement fausse. Donc ça vous donne une idée déjà, en disons 50-60 ans de temps, du progrès de l'astronomie. C'est absolument prodigieux. Et c'est à la poursuite de ces 2 secondes qu'il se lance, donc dans son ouvrage sur Mars, le Commentarius, qui paraîtra en 1609, et dans lequel on trouve les 2 premières lois keplériennes. C'est grâce à ça qu'il les a trouvés. Puis ensuite, tout le reste de son œuvre sera un approfondissement, justement, de ces données mathématiques pour essayer de faire coller ça de mieux en mieux, toujours avec les données de Tycho. C'est-à-dire, il a une foi, il a vu Tycho travailler, il sait que les données de Tycho sont impeccables. Donc, si vous n'arrivez pas à les rendre, c'est que votre théorie est fausse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a quand même un point de repère, hein, que n'avait pas Copernic, par exemple. Alors, si vous voulez, restons pour l'instant sur les lois qui édictent Kepler, d'une certaine façon. Et je pense particulièrement aux deux premières lois. La première, les orbites des planètes, en fait, sont des ellipses. Et en second lieu, le Soleil se trouve à l'un des foyers de ces ellipses. Or là, je veux dire, il y a encore une révolution supplémentaire déjà par rapport à Copernic, dans la mesure où il était bien entendu jusqu'ici que toutes les planètes suivaient des orbites circulaires et que le cercle était en quelque sorte la signature de la perfection divine. Mmh. Alors voilà Kepler tout à coup qui a introduit les ellipses, et on peut dire, ça a été presque malgré lui, et quelle ascèse il a fallu à lui-même pour arriver à admettre que la nature se présentait de cette façon. Ah, et comment ? C'est-à-dire, c'est à la poursuite de ces deux secondes qu'il a rencontré l'ellipse. C'est-à-dire, il a fait tous les essais possibles et imaginables, de tous les cercles, de toutes les combinaisons possibles et imaginables, puis après, de tous les cercles déformés, avec lunule, quadrature de lunule, etc. Il a tout fait, jusqu'à arriver à la seule figure géométrique possible, disponible, qui était l'ellipse. Et qu'il a accepté, parce qu'il s'est rendu compte que c'était la seule qui marchait. Mais c'est pas de gaieté de cœur qu'il a fait ça, parce qu'il s'est bien rendu compte que son œuvre allait être immédiatement critiquée. Hein. Les Fabricius, tous ces gens-là, ont sauté là-dessus en disant non, ça c'est absolument impossible d'imaginer que Dieu ait créé un univers avec l'ellipse, qui n'est pas une figure parfaite, et en plus qui a deux foyers, dont un est vide. Donc c'est quand même, physiquement, si vous voulez, pour eux, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre foyer ? Pourquoi il n'y a pas un autre corps ? S'il y a le soleil à l'un des deux, pourquoi il n'y a pas un autre corps qui équilibre, qui modère, etc. Pourquoi ? Bon, évidemment, il n'a pas de réponse à ça. Tout ce qu'il peut dire, c'est ben, on voit qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un grave, grave problème. La deuxième loi, c'est que le Soleil occupe l'un des foyers de cette ellipse. Alors aujourd'hui, si on ne réfléchit pas, on se dit, oh, bon, c'est tout à fait normal, faut bien que... Mais non, le Soleil aurait très bien pu être au centre de l'ellipse, et comme une ellipse a deux foyers, sinon ça serait... Enfin, une ellipse qui n'a plus qu'un foyer, c'est un cercle. Jean-Pierre Verdet. Le Soleil aurait pu être à mi-chemin entre les deux foyers. Et bon, mais ça c'est le fait, alors c'est ce qui différencie à nouveau Kepler de ses astronomes contemporains, et en particulier de Copernic, c'est que Kepler est un physicien. Et que Kepler veut savoir pourquoi les planètes se meuvent. Donc c'est l'idée cartésienne qui prévaudra après au XVIIe et qui est fausse, mais si quelque chose bouge, il faut que ça soit poussé. Donc il prend ce qu'il appelle les spécies, enfin, il hésite entre la lumière, le magnétisme, mais c'est qu'il se met à faire de la physique. Et c'est-à-dire que, pour lui, le Soleil est au principe du mouvement. Donc, ça devient de la physique, et il faut que le Soleil ne soit non plus au centre, mais qu'il soit au foyer d'une ellipse. Sinon, il ne sera pas au principe du mouvement, d'un mouvement elliptique. Moi, je crois que c'est ça qui l'emporte chez lui. Mais c'est facile à dire aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut vraiment une ouverture d'esprit extraordinaire. Dans la tradition pythagoricienne ou platonicienne qui est celle de Kepler, et comme l'avait déjà fait justement Pythagore, ou comme l'avait fait quelqu'un comme Boèce, chaque planète doit avoir un son qui lui est particulier afin de participer à cette harmonie et à cette musique des sphères qui est tellement fondamentale. Ce qui fait que Kepler en vient à écrire la note ou l'accord qui caractérise chaque planète, et par exemple pour la Terre, cet accord, c'est mi et fa, abréviation de miseria et famina, la misère et la famine, qui marque la condition de l'homme après la chute sur la terre inhospitalière où nous vivons. Mais dans la mesure aussi où il vient d'écrire ses lois, où il vient donc d'écrire l'équation du mouvement des planètes, il sait bien que ces notes sont soumises à une sorte de développement temporel au fur et à mesure que les planètes tournent autour du Soleil, et donc il doit écrire le développement, la ligne mélodique qui est celle de ces planètes dans leur course. Et cela donne pour la planète la plus proche du Soleil, pour Mercure, pour Vénus, pour la Terre, cela donne pour Mars, le dieu de la guerre, cela donne pour Jupiter, et puis cela donne enfin pour Saturne, le vieux roi de la mythologie grecque. Et si maintenant nous essayons de nous placer du point de vue de Dieu, ou au moins de celui des anges, qui entendent cette harmonie des sphères, il faut bien entendu superposer l'ensemble de six lignes mélodiques, et nous en arrivons à cette écoute globale, certainement audacieuse même pour quelqu'un habitué aux dissonances de la musique baroque comme Kepler, mais qui sans aucun doute sont ou devraient être écoutées par des oreilles tout à fait différentes des nôtres. Michel Lerner. Quand on dit qu'effectivement, avec Kepler, il y a un tabou, le tabou du cercle et de la perfection du cercle qui est brisé, en réalité, bien peu de personnes se sont aperçues d'abord de la révolution keplérienne, je crois que le mot n'est pas trop fort cette fois-ci, la révolution de l'ellipse, disons, et que l'un de ses contemporains les plus gigantesques, Galilée lui-même, a refusé l'ellipse pour en revenir au cercle. Plutôt pour en rester au cercle, comme seule figure mathématique à partir de laquelle on pouvait rendre compte des mouvements des planètes. Autrement dit, de ce point de vue, Galilée est resté parfaitement classique. Mais il y a en même temps chez lui, d'une certaine façon, la même philosophie d'un dieu géomètre. Galilée lui aussi croit qu'avec les mathématiques, il pénètre dans la rationalité, si j'ose dire, divine elle-même, que Dieu a fait le monde selon des signes, des règles mathématiques, et que le système héliocentrique lui-même est le seul produit, la seule production universelle concevable venant de Dieu. Et on sait que si cette adéquation entre héliocentrisme et règles de production de l'univers par Dieu comme seul possible, qui a été à la source de ce conflit majeur avec le pape Urbain VIII, qui, lui, dans la grande tradition de la théologie médiévale, pensait que les desseins de Dieu étant impénétrables et la façon dont il a créé librement le monde étant tout aussi impénétrable, il fallait admettre qu'au nom de la puissance absolue de Dieu, il aurait pu créer effectivement le monde selon le modèle géocentrique, c'est-à-dire le modèle ptoléméen. Et que donc, ce que Galilée avait proposé dans le Dialogo, le grand livre de 1632, n'était qu'une hypothèse mathématique. Egidio Festa. En tout cas, ce qu'on peut dire, et il faut le dire, c'est que Galilée, d'entrée de jeu, a considéré qu'il ne s'agissait pas de sauver les apparences, mais que le système héliocentrique était bien en mesure, avec tous les défauts qu'il présentait, de décrire les phénomènes tels qu'ils se passaient. Oui, alors cela, on le sait par une lettre que Galilée écrivit à Kepler en 1597, voilà. Lorsqu'il a reçu le Mysterium Cosmographicum. Galilée répond à Kepler en tant que copernicien. Il avoue à Kepler qu'il est depuis de longues années déjà copernicien, que le monde étant ce qu'il est, il a craint de connaître lui-même le sort de Copernic, c'est-à-dire d'être tourné en ridicule, et qu'il a gardé par-devers lui cette adhésion. Il faut en effet parler, au moins, d'une date très importante dans la vie et dans l'œuvre de Galilée, qui est la publication en 1610, du Sidereus Nuncius, le messager céleste. Galilée n'est peut-être pas le premier homme à avoir tourné une lunette vers le ciel, mais il est le premier à avoir publié un compte-rendu de ce qu'il avait vu dans le ciel grâce à cette lunette. Alors, je vais rappeler très rapidement qu'il a vu sur la Lune des montagnes, qu'il a vu que Vénus présentait des phases, que donc il fallait supposer qu'elle tournait autour du Soleil, qu'il a vu surtout quatre corps tournant autour de Jupiter, qu'il a décidé d'appeler les planètes médicéennes, et soit dit entre parenthèses, l'appellation de planètes médicéennes préparait le retour en fanfare de Galilée à Florence, comme philosophe et mathématicien du grand-duc de Toscane. 1610, publication du messager céleste, il va être suivi d'une succession de réactions de très grande ampleur à travers toute l'Europe. D'emblée, Galilée cherche des autorités qui pourront confirmer la réalité de ces découvertes mises en doute par certaines personnes qui ont, vis-à-vis de ces instruments étranges que sont les lunettes, des doutes et qui émettent à leur égard des suspicions, qui craignent que ce ne soit que des illusions d'optique et qu'il n'y ait pas de réalité authentique derrière ce que nous voyons au bout de la lunette. Alors il va s'adresser, il se souvient qu'il avait envoyé une lettre à Kepler en 1597, il avait oublié de lui écrire pendant les 13 années suivantes, la correspondance s'était interrompue. Probablement est-ce parce que le Mysterium Cosmographicum lui avait paru un ouvrage qui ne correspondait pas à sa manière de comprendre la manière dont Dieu avait pu construire la machine du monde. Toujours est-il que l'autorité de Kepler étant immense, il lui demande son sentiment sur le Sidereus Nuncius, et Kepler, qui est un homme admirable, lui répond avant même d'avoir pu constater de visu, faute d'avoir une lunette, la réalité des corps célestes et des particularités du relief de la Lune, qu'il est convaincu de la réalité de ce que Galilée a observé. Et quelques mois après, ayant disposé d'une lunette, il se félicite de lui avoir donné son assentiment. La Lune est morte, la Lune est morte, pleurez, Pierrot, poètes et chanois, la Lune est morte ce soir. Par exemple, cette idée que la Lune ressemble à la Terre. Isabelle Pantin a fait penser à Kepler un texte qu'il aimait beaucoup, qui était le livre écrit par Plutarque sur la Lune, qui justement développe la même idée et qui se lance dans toutes sortes de spéculations sur les habitants de la Lune. Et Kepler donc s'est lancé dans des spéculations sur les habitants des autres planètes. Comment ces habitants voient-ils l'univers? Quel est le spectacle donc qui s'offre à eux? Quelle signification peut avoir le spectacle? Quelle est la position de ces êtres imaginaires, mais possibles, par rapport à nous? Donc toutes sortes de spéculations qui, pour Galilée, devaient sembler à la fois fantaisistes et dangereuses. Ces découvertes auxquelles Michel Lerner fait allusion, elles étaient très très importantes, en particulier le fait que des corps célestes puissent tourner autour d'un corps céleste qui ne soit pas la Terre, était extrêmement important d'un point de vue de principe. Le fait que le sol lunaire puisse ressembler au sol terrestre, c'était très important, mais il n'y avait rien de fondamental là qui puisse faire passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. Donc nous sommes dans une phase où les jésuites du Collège romain, qui étaient des gens très compétents, il suffirait de citer Clavius en particulier, en tant que mathématicien et en tant qu'astronome, il est mort en 1612, si je me souviens bien. Donc en 1610, il était tout à fait présent dans ces discussions qui avaient suivi les découvertes de 1610 de Galilée. Mais disons que tout ceci mettait en crise certains points de l'astronomie traditionnelle, qu'on appelle l'astronomie aristotélicienne, mais enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il n'y avait rien de fondamental. Et en particulier, il y avait un système astronomique, celui de Tycho Brahe, qui pouvait parfaitement encaisser, si j'ose dire, les phases de Vénus et les expliquer parfaitement. Et par conséquent, disons, il n'y avait rien de fondamental dans tout ce que Galilée avait trouvé de nouveau pour mettre en crise le système dans ses fondements. Ce qu'on pouvait mettre en crise, en revanche, c'était le système de Ptolémée. Parce que là, il s'agissait d'un géocentrisme strict et les phases de Vénus ne pouvaient pas s'expliquer dans ce système. Je n'admirerai jamais assez l'extraordinaire pénétration de ceux qui ont saisi cette idée et l'ont admise comme vraie. Par la seule force de l'intellect, ils ont fait violence à leur propre sens, au point de préférer ce que leur disait la raison à ce que leur indiquait en sens contraire l'expérience sensible. Car les arguments opposés à la rotation de la Terre, tels que nous les avons examinés précédemment, sont, comme nous l'avons vu, très plausibles. Et le fait même que les ptolémaïques et les aristotéliciens et tous leurs disciples les aient jugés concluants montre assez leur efficacité. Les données de l'expérience, qui contredisent ouvertement le mouvement annuel de la Terre, ont apparemment tellement plus de force que, je le répète, mon étonnement est sans borne quand je songe qu'Aristarque et Copernic ont su faire à tel point prévaloir la raison sur les sens, et que malgré ceci, la raison est restée maîtresse de leurs convictions. Galilée, dialogue sur les deux principaux systèmes du monde. On pourrait peut-être dire quelques mots des relations entre Kepler et Galilée. Parce que, on va parler aussi de Giordano Bruno, on a l'impression que finalement, dans le camp des héliocentristes, tout le monde n'est pas forcément d'accord. On est d'accord sur l'hypothèse de base, effectivement, Copernic a raison, le Soleil est bien au centre du système du monde, mais qu'après, on a beaucoup, finalement, d'opinions différentes, pour ne pas dire divergentes. Et particulièrement, déjà, entre Kepler et Galilée, on a l'impression qu'il y a quand même des oppositions fortes, je dirais même assez violentes. Vous venez de dire, Michel Lerner, que Galilée, effectivement, ne voulait pas de l'ellipse. Et puis surtout, il y a ce problème, ce passage d'ailleurs dans l'œuvre de Kepler où il dit « Mais si dans mon œuvre vous remplacez le mot âme par le mot force, vous avez une des clés de mon système. » Et c'est à travers cette conception de l'âme-force en quelque sorte que Kepler va expliquer le mouvement des marées. Et on voit comment sur le même problème, alors qu'au départ ils ont les mêmes positions, Galilée va, je dirais, se moquer atrocement de Kepler en disant mais là à nouveau voilà un esprit éclairé qui retombe dans la magie, comment la lune pourrait-elle agir sur le mouvement des marées sur la Terre. Donc on a l'impression que le camp héliocentriste est lui-même, je dirais, très très complexe. Oui, bon, si on peut parler de du cas Galilée, il n'a pas été très fair-play, Edgard Kepler, c'est le moins que j'en puisse dire. C'est-à-dire qu'aucune des grandes rencontres qui auraient été possibles entre eux deux, à condition que Galilée lise les livres de Kepler, aucune de ces rencontres ne s'est produite, tout simplement. Non seulement il n'a pas lu le Mysterium Cosmographicum en 1596, dont il s'est débarrassé lâchement par une lettre de félicitations écrite au fil de la plume de Huiling, pour lui dire que c'était magnifique, il croyait qu'il était copernicien, il était donc très content, point fini. Non seulement il n'a pas répondu à la grande lettre de Kepler qui a suivi cette lettre, une très longue lettre de 4 pages dans laquelle Kepler l'invite à chercher de nouvelles preuves en faveur du système de Copernic, à se les communiquer mutuellement pour pouvoir lutter en faveur du système copernicien, ça se termine par un silence de 12 ans. Mais lorsque Galilée se trouve en difficulté pour le Sidereus Nuncius, c'est-à-dire lorsque des critiques italiens commencent à dire « mais après tout, s'il n'y a rien dans le ciel, si vraiment c'est une illusion tout ce qu'a raconté Galilée », alors les Médicis sont ridiculisés, alors la cour de Florence est ridiculisée aux yeux du monde entier. Quelle preuve avez-vous, somme toute, qu'il y a vraiment ces choses dont vous nous parlez dans votre livre? Nous ne les voyons pas, nous ne pouvons pas les voir. Ben, comme vous le dites, il a bien su écrire, par l'ambiais de l'ambassadeur de Toscane à Prague, il a bien su écrire à Kepler pour lui demander son opinion sur un livre qu'il avait eu à peine le temps de lire et sur des observations qu'il n'avait pas pu vérifier faute de lui avoir communiqué une lunette. Avant Galilée, dans les dernières décennies du XVIe siècle, il y avait un penseur dont le nom a été prononcé tout à l'heure, un philosophe qui s'appelle Giordano Bruno, qui lui, pour des raisons purement théoriques, a eu la même conception de l'uniformisation de la matière dans l'univers. Tout à l'heure, Alain Segond a évoqué cette magnifique lettre de 1597 au Kepler, dit en substance à Galilée, eh bien faisons une internationale des Coperniciens. Plusieurs raisons faisaient qu'il n'était pas possible qu'une telle internationale voit jamais le jour. Les raisons religieuse, bien évidemment. J'ajouterais à ce qui a été dit tout à l'heure que lorsque Galilée est dénoncé en 1615 devant le Saint-Office, parmi les accusations qui sont portées contre lui, il y a le fait qu'il écrit à des mathématiciens allemands. On n'a pas besoin d'en dire plus. Cela veut dire qu'il correspond avec des protestants. Et cela, à soi seul, est suspect. Ce qui peut expliquer aussi, en partie, la discrétion avec laquelle Galilée procède vis-à-vis des approches de Kepler, dont il n'ignore pas, d'ailleurs, la teneur des idées, ne serait-ce qu'il n'a pas lu les livres de Kepler, certes, mais par exemple, le prince Cesi de l'Accademia dei Lincei a lu l'Astronomia Nova dès 1609, et en 1610-1611, il demande à Galilée ce qu'il pense de la conception des trajectoires elliptiques de Kepler. Donc l'information passait. Mais parmi les raisons pour lesquelles, j'en reviens à mon idée d'international, il n'était pas possible que les Coperniciens s'aient dit, c'est que chacun de ceux qui se sont proclamés Coperniciens l'était à sa manière, et une manière irréductible à celle de son collègue ou de son voisin. L'un des premiers Coperniciens, dit-on, c'est l'anglais Thomas Digges. Qu'est-ce qu'il nous propose comme univers? Un univers héliocentrique, certes. Mais s'il est infini, le monde stellaire est un monde dans lequel les étoiles et les anges sont mélangés, où ce ciel astronomique est aussi un ciel théologique. Il est évident que cette conception ne pouvait pas agréer à un Giordano Bruno, qui lui ne se contente pas d'un monde héliocentrique, mais force la mise, en quelque sorte, en multipliant à l'indéfini ces mondes héliocentriques, en postulant que chaque étoile est un soleil, et non seulement un soleil, mais un soleil entouré d'un cortège de planètes. Il multiplie donc à l'infini l'univers en extension et en nombre. Et l'une des raisons aussi peut-être pour lesquelles Galilée a été réticent vis-à-vis de Kepler, c'est que dans la conversation avec le messager céleste de 1610, dans laquelle Kepler, bien qu'il n'ait pas encore observé par la lunette les découvertes de Galilée, mais dont il lui donne crédit, eh bien, Dans ce même texte, Kepler dit, mais dis donc, concernant ces choses, il y a quelqu'un dont tu ne parles pas, qui s'appelle Bruno. Il parle aussi des étoiles. Il parle d'étoiles comme le soleil, des choses comme ça. Pourquoi es-tu muet là-dessus? Nous ne connaîtrons jamais la réponse écrite que Galilée a faite sur cette question. Mais il est bien évident qu'autant Kepler détestait et redoutait l'univers infini de Bruno, il le dit dans des termes absolument clairs, de toute façon, la conception polyédrale de l'univers de Kepler n'est compatible qu'avec un seul monde. Et que quand quelqu'un vient lui en proposer, je ne dirais même pas une infinité, mais simplement plusieurs, ça ne colle plus avec son schéma. Donc Kepler est nécessairement partisan d'un monde unique. Eh bien, Galilée, qui probablement avait des idées plus mitigées sur la question, ne pouvait pas accepter aussi bien le copernicianisme de Bruno que celui de Kepler, qu'il n'aurait pu accepter celui de Digges. Et on voit en quelque sorte que l'hylocentrisme, dès le départ, a été à l'origine de plusieurs formules assez hétérogènes les unes vis-à-vis des autres, et qui explique bien toute la complexité de cette révolution, comme on dit, copernicienne, de ce qu'elle a mis en branle, et qui ne pourra se décanter finalement, je crois, que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, lorsque, après Kepler, Newton viendra. Copernic était un grand esprit, réfléchi, attentif, profond. Un homme à qui aucun astronome antérieur ne peut ravir la première place, sinon dans l'ordre chronologique. Un homme qui, par le jugement moral, s'est montré fort supérieur à Ptolémée, à Hipparque, à Eudoxe et à tous les autres qui leur ont emboîté le pas. Supérieur parce qu'il s'est libéré de certains préjugés et erreurs, pour ne pas dire de l'aveuglement de la commune et vulgaire philosophie. Bien que presque dépourvu d'arguments viables, reprenant en main les misérables fragments rouillés qu'avait pu lui léguer l'Antiquité, ne les a-t-il pas nettoyés, raboutés, recollés tant et si bien avec sa science plus mathématique que physique, qu'une thèse précédemment ridicule, méprisée, honnie, s'est trouvée réhabilitée, a forcé l'estime, est apparue plus vraisemblable que la thèse contraire et très certainement mieux adaptée à la théorie et au calcul. Il nous faut plutôt admettre le mouvement du globe terrestre au regard de l'univers que l'hypothèse selon laquelle l'ensemble innombrable de ces corps célestes, dont un grand nombre, comme on sait, sont plus magnifiques que le nôtre et d'une taille supérieure, aurait la Terre pour centre et base de ses rotations et de ses influx. Ce que contredisent à grands cris la nature et le raisonnement, qui font très nettement percevoir que notre globe est en mouvement. Giordano Bruno, Le banquet des cendres. Puisqu'on parlait de Giordano Bruno, je crois qu'il faudrait s'y arrêter aussi un petit peu, parce que c'est quand même un des grands héliocentristes, finalement, un de ceux qui prennent le plus fermement et publiquement position en faveur de Copernic. Je pense particulièrement à son dialogue Le banquet des cendres, dans lequel il ridiculise en fin de compte tous les anti-coperniciens. Et en même temps, on voit bien comment, effectivement, vous l'avez dit, Michel Lerner, Giordano Bruno est en faveur d'un univers infini, et je dirais d'un univers qui est fait d'une infinité d'infini, d'une certaine manière. Là, il y a une véritable philosophie de l'infini actuel, pratiquement, chez Giordano Bruno, qui, de ce point de vue-là, ne peut en effet ne faire que horreur à Kepler, pour qui il faut que le monde soit un et soit fermé, en quelque sorte. Mais Giordano Bruno, il faut se rappeler que, justement, les choses se sont quand même très très mal terminées pour lui, dans la mesure où ce que ça entraîne comme philosophie chez lui fait que, finalement, il tombe entre les mains de l'Inquisition, il est brûlé publiquement en l'an de grâce ou de disgrâce 1600. Oui, Giordano Bruno n'a pas été brûlé le 17 février, si je ne me trompe, 1600, sur le Campo dei Fiori, cette jolie petite place de Rome où aujourd'hui il y a un marché, parce qu'il avait été copernicien. Il a été brûlé parce qu'il avait prononcé, maintenu et confirmé un nombre d'hérésies proprement théologiques concernant Dieu, concernant Jésus, concernant la Vierge. Et c'est cela, d'abord et avant tout, qui lui a valu le supplice qu'il a connu. Parmi les thèses qu'il défendait, les doctrines qu'il défendait, il y avait effectivement l'univers infini, la pluralité indéfinie des mondes, certes, mais ce ne sont pas les motifs principaux qui ont attiré l'attention et l'ire des théologiens. Alors, il y avait derrière, ce qui nous intéresse nous d'un point de vue philosophique, derrière cette conception cosmologique de l'univers infini, une théologie aussi à sa manière, c'est-à-dire une idée de Dieu. C'est-à-dire qu'en déclarant que le monde, qui n'avait pas été d'ailleurs créé, mais qui était éternel, qui était co-éternel à Dieu, un Dieu qui se distingue d'ailleurs pratiquement pas de l'univers lui-même, et le monde était une production nécessaire de Dieu. En disant cela, Bruno heurtait les théologiens d'une façon frontale, dans la mesure où, pour les théologiens, Dieu a créé librement, et non pas nécessairement, le monde, et où il y a, comme doctrine fondamentale des théologiens, et par là nous revenons sur ce que nous disions tout à l'heure concernant Urbain VIII, une distinction radicale entre la puissance ordonnée et la puissance absolue de Dieu. Mais de fait, les théologiens admettaient que Dieu, selon sa puissance effectivement réalisée, n'a créé qu'un seul monde. Le monde aristotélico-ptoléméen, géocentrique, unique, enfermé dans la boule de la sphère des fixes. Cette distinction a été rejetée par Giordano Bruno. Dieu crée nécessairement tout ce que sa puissance lui permet de créer. Sa puissance étant infinie, Dieu n'a pas pu réserver, en quelque sorte, garder une marge de puissance pour créer seulement ce petit monde ridicule, cette petite boule, mais elle s'est exprimée totalement dans la création d'un univers infini et infiniment peuplé. Et bien donc, il y avait derrière cette cosmologie brunienne une théologie de la toute-puissance divine absolument pas orthodoxe. Et de ce point de vue aussi, je pense que certains théologiens qui ont jugé Galilée parmi les plus intelligents, comme par exemple Bellarmin, n'ont pas pu ne pas voir qu'il y avait aussi cette implication théologique. Mais elle est, si vous voulez, dérivée ou indirecte. Les véritables raisons pour lesquelles Bruno a été condamné et exécuté encore une fois sont ses affreuses hérésies concernant Jésus, Marie, les péchés, etc., etc., etc. C'était un blasphémateur. Démontre pas en partie l'hétérogénéité du camp copernicien. Par exemple, je dirais selon le degré de platonisme. On voit que Giordano Bruno et Kepler, chacun à sa manière, est ultra-platonicien, Galilée l'est beaucoup moins. Mais que par ailleurs, Kepler et Galilée sont mathématiciens, Giordano Bruno l'est beaucoup moins. Et que là, c'est suivant la manière dont les éléments se disposent que, en fin de compte, les théories différentes finissent par apparaître. L'univers, pour Kepler, est rigoureusement fini. Il n'y a pas de possibilité qu'il soit infini à ses yeux, parce que ça contredirait l'idée qu'il se fait de l'infinité divine et de la perfection divine. Et en revanche, bon, chez Giordano Bruno, c'est strictement l'inverse. Chez Galilée, on a quelque idée qu'il avait des idées assez peu orthodoxes dans ce domaine-là aussi, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même des prémices philosophiques qui, d'une certaine façon, commande toute la logique du champ intellectuel. Ça, il n'y a aucune espèce de doute là-dessus. Il n'y a rien de commun entre un simple Kepler, qui vient donc d'un milieu relativement populaire, qui a eu la chance de bénéficier de ce qu'il y avait de meilleur comme enseignement en Allemagne, à l'université de Tübingen, au Stift, parmi les meilleurs, Crusius, Meslin, quelques-uns des plus grands intellectuels allemands. Et puis d'un autre côté, un homme comme Giordano Bruno, fils d'un militaire servant dans l'armée espagnole, engagé très tôt dans l'ordre dominicain, dans un petit couvent où probablement le niveau n'était pas extraordinaire. Il n'y a rien de commun entre ces gens-là. Et pourtant, ils se rencontrent à un moment ou à un autre. Et évidemment, ils parlent de la même chose, ils parlent de points de vue complètement différents. Ils ont des expériences totalement irréductibles. Que reproche-t-on à Galilée ? Et on voit encore récemment la commission pontificale qui a donné ses conclusions sur l'affaire Galilée en 1992. On reproche au fond à Galilée d'avoir été un mauvais théoricien en physique parce qu'il a avancé des propositions sans avoir les preuves expérimentales qui l'auraient autorisé à parler en toute certitude de l'héliocentrisme. Galilée est allé au-delà de ce qu'il pouvait prouver. Mais est-ce que on peut penser que la science se fait en appliquant des règles épistémologiques strictes, ou est-ce qu'au contraire, les épistémologues ne sont-ils pas toujours ceux qui viennent après la bataille et qui disent comment la science doit procéder dans son cheminement effectif, souterrain, probablement en partie secret, souvent indirect, comme Alexandre Coguré l'a bien dit, la science ne procède pas en ligne droite, elle procède par voie de traverse, et souvent un savant prononce plus qu'il ne peut prouver. Mais c'est cela qui est l'aventure scientifique. Si on appliquait strictement les règles de l'épistémologie bellarminienne, qui en fait ne sont pas autres que les règles qui remontent à la grande tradition grecque des Géminos, des saint Thomas, qui disait toujours, oui, certes, les épicycles et les excentriques permettent de sauver les phénomènes, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'on ne trouvera pas plus tard, dans l'avenir, un autre système qui rendrait aussi bien compte des phénomènes? Si on procédait toujours avec ces prudences épistémologiques, ces incertitudes, ces refus de se prononcer, peut-être qu'effectivement, jamais Copernic n'aurait osé affirmer, eh bien voilà, moi je dis que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Que contrairement à ce que nos sens nous montrent, c'est nous qui sommes en mouvement et c'est le Soleil qui est immobile au milieu du monde. Moi, Galilée, désirant chasser de l'esprit de vos éminences et de tous les fidèles chrétiens cette terrible suspicion, justement conçue à mon égard, j'abjure, d'un cœur sincère et avec une foi qui n'est nullement feinte, je maudis, je déteste les erreurs et hérésies et toutes les autres erreurs contraires à la Sainte Église. Et je jure qu'à l'avenir, jamais plus ne dirai ou n'affirmerai, verbalement ou par écrit, quoi que ce soit qui puisse m'attirer semblable soupçon. Et donc, que m'assiste Dieu et les saints évangiles que je touche de mes mains. C'était Le Temps des sciences, la querelle de l'héliocentrisme, avec André Leboeufle, professeur à l'Université d'Amiens, Michel Lerner, directeur de recherche au CNRS, Alain Segond, traducteur de Kepler et de Copernic, ainsi que Jean-Pierre Verdet, historien de l'astronomie, Isabelle Pantin, traductrice de Galilée, Egidio Festa, auteur de L'erreur de Galilée, édition Astral. Les textes de Marcianus Capella, Copernic, Kepler, Galilée, Giordano Bruno est élu par Vanda Benes et Marc-Henri Boisse. La querelle de l'héliocentrisme, c'était une émission de Michel Cazenave, mixage Agnès Varnier, Manuel Couturier, Bruno Niewdanski, réalisation Hélène Daude. Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 octobre 1998. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne à la page des nuits sur le site franceculture.fr.